Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Aux États-Unis, il existe depuis le milieu des années 50 un métier appelé présentateur d'émissions où un animateur fait la présentation de films d'horreur de série B à petit budget présentés dans son programme tard le soir à la télévision ou encore sur l'Internet. Cette personne, qui incarne généralement un personnage horrifique, introduit ou commente différents aspects du programme présenté durant les pauses commerciales lors de la diffusion. Quelquefois, cet animateur d'horreur réalise ses présentations à travers des sketchs ou encore intervient parfois avec un personnage secondaire. La première animatrice d'un programme de télévision d'horreur fut le personnage de Vampira, qui fut interprété par l'actrice Mayla Nurmi. De 1954 à 1955, Vampira présentera principalement des films à suspense à petit budget, car peu de films d'horreur avaient à cette époque été diffusés à la télévision. Uniquement présenté sur le marché de Los Angeles, le personnage, qui sera inspiré directement du personnage de Morticia Adams de la bande dessinée The Addams Family, du dessinateur Charles Adams, deviendra par la suite célèbre dans les magazines de télévision et de cinéma. Puis, en 1957, John Zachary, de la chaîne de télévision WCAU de Philadelphie, établira la norme pour les animateurs d'horreur avec son personnage de Roland dans l'émission Shock Theater, qui fut rendu possible grâce à sa nouvelle acquisition des droits de diffusion télévisuelle de la vaste bibliothèque de films d'horreur de série B des studios RKO Pictures. Zachary fera créer des studios horrifiants et improvisera un style de commentaire impliquant des effets spéciaux qui inséraient l'image de son personnage dans le film présenté. Ce style d'animation sera alors rapidement imité dans plusieurs autres stations de télévision locales du monde entier. Chaque station aura donc son propre animateur et son propre style, certains présentant des publicités classiques, tandis que d'autres présentaient des publicités fictives pour des produits promotionnels d'épouvante. Très souvent, ces animateurs étaient choisis parmi les employés de la station. Viendront plus tard des personnages tels que Elvira, Morgus de Magnificent, Coffin Joe, Al Grandpa Coffin, Fritz the Night Owl, Count Gore et bien sûr l'acteur Vincent Price qui deviendront par la suite des icônes de ce mouvement national. Maintenant, dans le monde de la fiction, un acteur du nom de Herbert McCoolehy, mieux connu sous le pseudonyme de Peter Venson, sera principalement connu grâce à ses divers rôles dans des films d'horreur de piètre qualité. McCoolehy fit ses débuts dans le show business dès l'âge de 8 ans. Alors qu'il aurait pu devenir un simple enfant acteur déchu, il relancera sa carrière dans la vingtaine en décrochant le rôle principal d'un tueur de vampires. À des fins de marketing, McCoolehy sera crédité pour la première fois sous le nom de Peter Vinson et le studio pour lequel il travaillait à cette époque, le présentera comme un véritable tueur de vampires. Cette stratégie s'avérera payante et le film connaîtra un succès retentissant, donnant naissance à une série de longs métrages avec son personnage Peter Vincent, qui s'étendra sur plus d'un quart de siècle. Malheureusement pour lui, les films de vampires seront en déclin au début des années 70 et le comédien sera alors considéré comme une véritable relique d'une autre époque. Ayant de la difficulté à se trouver un emploi à Hollywood, Vincent obtiendra alors un poste d'animateur pour une émission de télévision intitulée Fright Night sur la chaîne WYIC. C'est alors qu'il fera l'acquisition des droits cinématographiques de ses propres films et commencera à les présenter sur le marché de la syndication à travers divers postes de télévision aux États-Unis. C'est à ce moment que sa vie prendra une tournure inattendue lorsqu'il fera la rencontre d'un adolescent du nom de Charlie Brewster, ce dernier prétendant que son voisin n'était nul autre qu'un véritable vampire. Donc, préparez votre eau bénite et votre arsenal de pieux de bois et de crucifix et préparez-vous à affronter la famille Dandridge dans ce programme double dans lequel je vous parlerai de la franchise complète du monde du surnaturel, soit Fright Night, dont la première série de deux films fut réalisée de 1985 jusqu'en 1988, alors que la seconde verra le jour de 2011 jusqu'en 2014. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. We have a wonderful evening's entertainment lined up for you, one that will provide several hours of pleasurable relaxation and diversion for you and your family. Did you fail to dress up for tonight's show? No tie, an old shirt and slacks, a house dress? Well, don't give it a thought. We're glad you came as you are. We just want you to enjoy yourselves. Don't forget to visit our refreshment center during the intermission or any time. We're happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good. You get more out of life when you go out to a movie. Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager. Vous souvenez-vous de la nuit la plus terrifiante de toute votre vie? Alors, rassemblez tout votre courage. Ah! Tu es blanc comme un linge. Et préparez-vous pour un nouveau choc. Ah! Car s'ils vous ont déjà terrifié... Je ne dois pas être tout à fait remis. Cette fois, accrochez-vous à vos fauteuils. Ah! Voici une nouvelle nuit d'horreur. Et de quoi est-ce que tu as peur? Vampire, vous avez dit vampire numéro 2. Ça recommence, ils sont là. Tu dois te dire qu'une chose pareille ne se répète jamais, Charley. Est-ce que je peux mordre? Charley, ça recommence. Les vampires sont de retour. Je suis sorti de la morgue pour être ici ce soir. Et rien n'est plus comme avant. Mais est-ce que tu me vois faire éruption chez mes voisins en les accusant d'être des vampires? Ça fait très mal. Cette fois, rien ni personne ne les arrêtera. Je tuerai pour une tasse de café. Joignez-vous à leur festin de sang et de frissons. Retrouvez les vampires les plus délicieusement diaboliques du cinéma, avec Roddy McDowall dans son rôle le plus dangereux. je tue les vampires de la nuit. Vampire, vous avez dit vampire, numéro 2, il y a de quoi en perdre la tête. The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show and please come back and visit us again. And now, it's showtime. And now, on with the show. What would you do if you accidentally discovered the house next door was occupied by something not human? Something horrifying. Something unspeakably evil. No one believes you. Mom, I didn't have a nightmare. Not your mom. They did kill a girl over there. Not your girlfriend. Charlie, is this some sort of a trick to get me back? Not even the police. Look, I know it's crazy. I know that, but look, Lieutenant! It knows that you know. You'll do anything to protect yourself. But it will do anything to protect its secret. If you love being scared, Amy. This could be the night of your life. Fright Night. Coming to your neighborhood this summer. Fright Night, ou Vampire, vous avez dit Vampire, est un drame fantastique qui a été distribué par les studios Columbia Pictures le 2 août 1985. Ce film américain d'une durée de 106 minutes a coûté 8,25 millions de dollars à produire et a amassé plus de 24,9 millions de dollars à travers l'Amérique du Nord. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Tom Holland, lui qui nous a donné la version de 1988 de Child's Play, le film Thinner, ainsi que Fatal Beauty. Au poste de producteur, on y retrouve Herb Jaffe, ce producteur américain qui avait produit les films The Wind and the Lion, Time After Time et Demon Seed. Au poste de scénarisation, eh bien c'est le scénariste américain Tom Holland qui a écrit le scénario de ce film, lui qui avait écrit les scénarios de Psycho 2, Class of 1984 et Cloak and Dagger. Dans la distribution, on y retrouve Chris Sarandon, William Ragsdale, Roddy McDowall, Amanda Beers, Stephen Jeffries, Jonathan Stark, Dorothy Fielding et Art G. Evans. Un adolescent, intrigué par les agissements bizarres d'un nouveau voisin, découvre que ce dernier est un vampire et demande l'aide d'un acteur déchu jouant les chasseurs de vampires à l'écran pour combattre le monstre. Alors qu'il travaillait sur le scénario de la comédie d'espionnage Cloak and Dagger, qui sera distribué en salle en juillet 1984, le scénariste et acteur Tom Holland s'amusera à imaginer ce qui arriverait si un fan de films d'horreur deviendrait convaincu que son voisin était un véritable vampire. L'histoire germera dans son esprit pendant plus d'un an et demi et, suite à une discussion avec John Byers, directeur du département des scénarios chez Columbia Pictures, il créera le personnage de Peter Venson, personnage qu'il créera en hommage aux différents animateurs d'émissions d'horreur comme Zachary, Zwengouli et Elvira. Une fois le personnage conçu, Holland écrira la première version de son scénario et ce, en moins de 3 semaines. Le scénariste donnera le nom de Peter Venson à son personnage iconique en hommage à 2 acteurs devenus célèbres principalement dus à leurs apparitions dans plusieurs grands films d'horreur des années 1950, 60 et 70, soit l'acteur américain Vincent Price, mais également le comédien britannique Peter Cushing, dont la renommée fut faite grâce à ses multiples apparitions dans les différents films horrifiants de la Hammer Films. Découragé du résultat final qu'avait donné le film Scream for Help, dont il avait écrit le scénario, Holland écrira le script avec l'idée de réaliser lui-même le projet, ayant développé suffisamment d'influence grâce au succès de ses scénarios précédents pour Class of 1984, Psycho 2 et bien sûr Cloak & Dagger. Fort également de son expérience d'acteur durant les années 60 et 70, Holland réussira à convaincre les dirigeants de la Columbia Pictures de le laisser réaliser son œuvre, une première pour le jeune comédien scénariste. Il est à noter cependant qu'à cette époque, aucun des dirigeants de la Columbia ne pensait que son film, qui allait s'intituler Fright Night, ne serait un succès. Avec un budget de seulement 8 millions de dollars, Holland débutera la recherche de sa distribution. Ce sera le producteur et agent d'artiste Guy McElwain qui suggérera l'acteur Roddy McDowall pour le rôle de Peter Vincent. McDowall avait déjà joué dans un film écrit par Holland, soit Class of 1984, et donc le réalisateur sera immédiatement réceptif à la suggestion. McDowall sera particulièrement intéressé par le personnage de Peter Vincent, n'ayant jamais eu la chance de jouer un personnage aussi âgé, et prendra son inspiration pour l'interprétation de son caractère sur le lion peureux du film de 1939 The Wizard of Oz. Pour l'acteur Chris Sarandon, ce sera l'agent de ce dernier qui lui remettra une copie du scénario. Étant initialement sceptique, Sarandon décidera de lire le script et sera immédiatement captivé. Cependant, Sarandon était toujours méfiant à l'idée de travailler avec un réalisateur débutant et également de jouer le rôle du vilain. Une rencontre sera alors organisée à Los Angeles entre lui, Holland et le producteur Herb Jaffe, rencontre durant laquelle l'acteur deviendra convaincu qu'il se devait de s'engager dans ce projet. L'acteur Jonathan Stark n'était pas un fan des films de vampires, mais il apprécia grandement le scénario de Holland. Afin de remporter son audition pour le personnage de Billy Cole, décrit comme un géant imposant, Stark se couvrira de plusieurs couches de vêtements afin de se donner du volume et décidera de jouer son personnage avec humour, ce qui plaira au jeune réalisateur. Plusieurs mois s'écouleront entre son audition et la confirmation qu'il avait obtenu le rôle, ce qui laissera grand temps au jeune acteur de se rendre dans une salle d'entraînement et de se muscler un peu afin de ne pas avoir à porter de rembourrage lors du tournage. Pour le personnage de Charlie Brewster, le jeune comédien William Ragsdale venait tout juste de perdre son audition pour le personnage de Rocky Dennis pour le film Mask, rôle qui sera obtenu par un autre jeune acteur du nom d'Eric Stoltz. Cependant, la directrice de casting, Jackie Birch, se souviendra de son audition et pensait qu'il serait le choix parfait pour incarner Brewster. Ragsdale auditionnera à plusieurs reprises et apprendra finalement qu'il avait décroché le rôle le soir de l'Halloween de 1984. Suite à une confusion, l'acteur Stephen Jeffries a passé une audition maladroite pour le rôle qu'obtiendra finalement le comédien Anthony Michael Hall dans la comédie fantaisiste Weird Science. Ayant tout de même laissé une belle impression à la directrice de casting Jackie Birch, cette dernière le suggérera fortement pour le rôle d'Evil Ed. Finalement, le rôle le plus difficile à attribuer sera celui de la compagne de Charlie, soit Amy Peterson. En effet, l'actrice choisie devait avoir l'air d'une adolescente, mais également d'une femme adulte lors de sa transformation suite à sa rencontre avec le personnage de Jerry Dandridge. Ce sera finalement la jeune actrice de 27 ans, Amanda Bears, qui obtiendra le poste tant convoité. Une fois sa distribution en place, le réalisateur a recueilli les avis de chacun des comédiens et apportera alors de nombreuses modifications à son scénario d'origine, certaines étant mineures, alors que d'autres seront majeures, comme la conclusion de ce dernier, dans lequel le personnage de Peter Vincent se transformait en vampire alors qu'il était de retour pour la présentation de son émission Fright Night. De plus, le personnage de Jerry Dandridge était beaucoup plus maléfique à l'origine, Sarandon cherchant diverses manières d'humaniser le vampire, notamment en suggérant que le personnage d'Amy serait la réincarnation de son amour perdu depuis longtemps. Sarandon mènera également des recherches sur le monde des chauves-souris et découvrira que la plupart des populations mondiales de chauves-souris sont frugivores, ce qui l'amènera à proposer à Holland que son personnage croque fréquemment des pommes, un geste qui allait servir à purifier son palais après avoir vidé le sang de ses victimes. Les acteurs et l'équipe de production auront le luxe de bénéficier de 2 semaines de répétition avant le tournage. Durant 6 semaines, Holland, étant également un acteur de formation, encouragera ses comédiens à écrire des biographies de leurs personnages afin qu'ils comprennent parfaitement leurs motivations et puissent s'en inspirer durant le tournage. Tous les défauts de l'histoire et des performances furent réglés pendant les répétitions, de sorte qu'au moment du tournage, Holland ne tournera que 2 ou 3 prises de chacune de ses scènes, ses acteurs étant bien préparés. Le tournage principal, qui ne durera que 53 jours, débutera le 3 décembre 1984 au studio Laird International à Los Angeles. Avec son budget très restreint, le réalisateur optera pour un calendrier très rapide en tournant majoritairement ses séquences devant des décors en studio. Ce sera le concepteur de production John DeQuire Jr., qui créera les intérieurs et extérieurs des maisons à plusieurs niveaux de la famille Brewsters et de Dandridge. Les extérieurs des 2 maisons furent également construites sur le terrain des studios Disney à Burbank. Divers endroits autour de Los Angeles seront utilisés pour les scènes de rue et surtout celle de la boîte de nuit, cette dernière étant tournée au Young's Market Company Building, qui avait également servi de boîte de nuit dans le film Body Double de Brian De Palma. Holland fera appel au chorégraphe Doreen Grossman pour tourner la fameuse scène de danse disco dans laquelle le personnage d'Amy change physiquement d'apparence, passant de jeune adolescente innocente à une femme fatale. Quelques incidents se produiront cependant pendant le tournage qui se terminera le 23 février 1985. À l'époque, Fright Night était le film au plus petit budget de la Columbia Pictures, la compagnie consacrant toute son attention sur le long-métrage Perfect, qui mettait alors en vedette les acteurs John Travolta et Jamie Lee Curtis. Cela permettra au jeune Holland de ne subir aucune interférence des exécutifs, ces derniers ne se présentant point sur le plateau durant la production. Cependant, juste avant l'arrêt pour la célébration des fêtes de Noël, l'acteur principal William Ragsdale se cassera une cheville en descendant un escalier en courant. L'horaire de la production dut être réorganisé afin de permettre au comédien de se remettre de sa blessure. De nombreuses scènes durent être tournées avec le pied du comédien dans le plâtre, notamment celle où Jerry entre dans la chambre de Charlie pour l'attaquer. Pour la séquence où Jerry soulève et transporte d'une main Charlie par le cou, Sarandon poussait simultanément Ragsdale sur un chariot à roulettes. Fright Night bénéficiera des avancées techniques en matière d'effets spéciaux et de photographie de la compagnie Boss Film Corporation de Richard Edlund, qui avait également réalisé des effets spéciaux pour le film Ghostbusters. Ce sera d'ailleurs cette expérience acquise sur la comédie fantaisiste de 1984 qui lui permettra ici de réaliser ses effets spéciaux de manière économique et surtout efficace. La partie la plus pénible du maquillage pour les acteurs était le port des lentilles de contact. À l'époque, ces lentilles étaient en plastique dur, peintes à la main par le technicien Steve Johnson. Durant une scène, les acteurs ne pouvaient porter ces lentilles plus qu'une 20 minutes à la fois, car sinon, elles desséchaient leurs yeux. Douloureux, ces lentilles rendaient le comédien qui les portait pratiquement aveugle. 3 paires furent confectionnées pour l'actrice Amanda Bears. Cependant, la comédienne aura énormément de difficultés avec l'une des paires jusqu'à ce que les techniciens se rendent compte qu'ils avaient tout simplement oublié de les polir. Pour la séquence de la chambre de Mme Brewsters, le comédien Stephen Jeffries conservera ses lentilles de contact pendant plus de 40 minutes, ce qui lui causera des égratignures sur les globes oculaires, plusieurs mois étant alors nécessaires pour soigner ses yeux. Pour les séquences de transformation, jusqu'à 8 heures seront nécessaires pour préparer le maquillage de l'acteur Chris Sarandon, alors que pour le maquillage de la transformation en loup du personnage de Evil Ed, ce dernier pouvait prendre jusqu'à 18 heures. Ce sera le tournage de la séquence avec la chauve-souris qui sera la plus difficile à tourner pour le vétéran des effets spéciaux Randall Cook, qui tournait sur pellicule tout en manipulant la créature. D'autres complications surviendront lorsque la chauve-souris se devait de mordre le personnage de Roddy McDowall et que ce dernier devait lui enfoncer un objet dans la bouche pour se défendre. La manipulation de la marionnette de la chauve-souris était si difficile que lorsque McDowell placera l'objet dans la bouche de celle-ci, il le fera avec tant de force qu'il brisera accidentellement le crâne de la chauve-souris. Deux jours de production seront alors perdus, le temps de réparer celle-ci. Malgré ces incidents, l'atmosphère sur le plateau demeura très détendue, acteurs et membres de l'équipe de production développant une véritable camaraderie et semblant unis par la même vision, soit celle de réaliser le meilleur film possible tout en ayant du plaisir à le faire. Une fois la production terminée, ce sera le compositeur de musique américain Brad Fiedel qui sera embauché pour la composition de la trame sonore. Fiedel, qui venait tout juste de terminer son travail sur le film de James Cameron, The Terminator, créera divers morceaux à l'aide d'une guitare électrique ou encore avec certains effets sonores mélancoliques. Considéré par ce dernier comme l'une de ses trames sonores favorites, le compositeur sera également responsable de la supervision des chansons apparaissant dans le long métrage réalisé par divers artistes. L'album original avec les chansons sortira en vinyle et en cassette 4 pistes en 1985 chez l'étiquette Private Eye Records. Il faudra cependant attendre en 2011 avant de finalement avoir la musique instrumentale du long métrage sous l'étiquette Intrada. Cela sera rendu réalisable malgré le fait que certaines bandes maîtresses avaient disparu, une partie de la musique étant alors transférée à partir de bandes de moins bonne qualité. Suite aux excellentes réponses durant son avant-première, les exécutifs de la Columbia décideront de devancer au 2 août la date de sortie du long-métrage et décideront également de projeter le film sur le plus grand nombre d'écrans que n'importe quel autre de leurs productions estivales, incluant Perfect. Le film sera donc diffusé sur plus de 1545 écrans en Amérique du Nord et engendra plus de 6,1 millions de dollars lors de son premier week-end. Avec des recettes nationales s'élevant à presque 25 millions de dollars, Fright Night réalisera la meilleure performance de tous les films d'horreur sortis durant l'été 1985 au niveau du box-office. Fright Night amassera également plusieurs prix aux Saturn Awards de 1986, dont meilleur scénario, meilleur acteur de soutien, ainsi que celui du meilleur film d'horreur de l'année. Du côté de l'Académie des films de science-fiction, de fantasy et d'horreur de 1986, ce festival décernera le film du meilleur film d'horreur, du meilleur scénario et du meilleur acteur dans un second rôle. Le scénariste et réalisateur Tom Holland remportera également le prix Dario Argento du Festival du film fantastique Avoriaz en 1986 et une mention spéciale du prix de la critique de Fantasporto en 1986. Après le succès critique et financier de Fright Night, les exécutifs de la Columbia demanderont alors le début de la production d'une suite. Cependant, un changement de la direction chez Columbia Pictures forcera l'abandon du projet, la nouvelle direction étant plus intéressée à se démarquer avec des projets plus intellectuels dignes d'une possibilité d'Oscar que par la réalisation de petits films d'horreur de série B. Cela forcera donc le producteur Herb Jaffe à racheter tous les droits cinématographiques des personnages et du film Fright Night et il se tournera alors vers sa propre société de production New Century Vista Film Company pour financer ce second volet des aventures de Charlie Brewsters et de Peter Venson. Faisant alors pression pour la production de cette suite, Jaffe obtiendra alors un accord mais sera fort mécontent du montant total de son budget, ce dernier étant d'à peine 8 millions de dollars. Le réalisateur original Tom Holland fut tout de même intéressé, tout comme l'acteur Chris Sarandon, à participer à cette nouvelle production. Malheureusement, les deux hommes travaillaient activement à ce moment sur le nouveau film de Holland, soit Child's Play, le tout premier film mettant en vedette la poupée meurtrière du nom de Chucky. Tim Metcalf et Miguel Tejada Flores, qui avaient conçu l'histoire de Revenge of the Nerds, écriront un premier jet alors que Jaffe fera le tour d'Hollywood pendant plus de 6 mois à la recherche d'un jeune réalisateur. Ce sera finalement le metteur en scène américain Tommy Lee Wallace qui sera choisi, et ce malgré le fait que ses deux premiers films, soit Halloween 3, Season of the Witch et Aloha Summers, n'avaient pas connu un énorme succès au niveau des critiques et surtout du box-office. Wallace ne sera guère impressionné par le premier jet du scénario qui mettait alors en scène les personnages de Evil Ed et Demi. Cependant, l'acteur Stephen Jeffries, qui interprétait le rôle de Ed dans le précédent volet et qui avait déjà signé pour apparaître dans la suite, refusera le rôle. Jeffries n'était pas vraiment emballé par le scénario et s'était même vu proposer le rôle principal du tout premier film réalisé par l'acteur Robert Englund, soit 976 Evil, dont le tournage était prévu durant la même période. Pour l'actrice Amanda Bears, cette dernière était occupée par son tout nouveau rôle dans la série télévisée journalière Married with Children et ne pouvait se libérer durant la période de tournage. Et donc, au moment où Tommy Lee Wallace arrivera à bord du projet, le scénario sera remanié dans une toute nouvelle direction qui n'incluait pas les personnages de Ed et Amy. Wallace recherchera alors l'avis du précédent réalisateur, Tom Holland, afin de s'assurer que sa suite serait aussi appropriée que possible. Il réécrira alors le scénario et rajoutera alors l'art narratif de Régine ainsi que des personnages comme Belle, Bosworth et Louis. De plus, Charlie aura une nouvelle petite amie, Alex, rôle qui sera interprété par la jeune actrice Tracy Lynde, dont il s'agira ici de son troisième rôle sur le grand écran. L'histoire de ce nouveau scénario nous présente notre héros, Charlie Brewster, qui est soigné dans une clinique psychiatrique suite à ses aventures dans le premier volet. Devenu persuadé que l'aventure qu'il a cru vivre avec un vampire n'était qu'une illusion, il rendra alors visite à son ami, l'animateur d'un festival de films d'horreur à la télévision, Peter Vincent, et deviendra alors convaincu que la jeune femme qui vient tout juste d'emménager dans l'immeuble où demeure Peter est également une vampire. Les deux finiront alors par découvrir que cette dernière est la sœur de Jerry Dandridge et que cette dernière cherche rétribution contre ceux responsables de la mort de ce dernier. L'acteur Roddy McDowall n'était pas étranger aux suites, ayant joué dans 4 films de la saga Planet of the Apes ainsi que dans une série télévisée dérivée. Il acceptera donc de reprendre son personnage de Peter Vincent car il aimait le scénario, cela lui offrant également l'occasion de retrouver son partenaire William Ragsdale qui venait également de confirmer sa présence dans ce nouveau projet. Pour le personnage de Régine, ce sera l'actrice Julie Carmen qui reçut sa copie du scénario alors que cette dernière venait tout juste de terminer le tournage de The Penitent pour la maison de production Vista Organization. Elle sera à l'origine réticente pour participer au long-métrage, considérant son personnage comme une pâle imitation d'Elvira. Après plusieurs révisions du scénario, elle tombera sous le charme du rôle et refusera par la suite d'autres projets afin d'avoir suffisamment de temps pour se préparer. Durant cette préparation, l'actrice lira les multiples ouvrages de la saga de Vampire Chronicles de l'autrice Anne Rice et étudiera la performance de Chris Sarandon dans le film original. Suite au refus de Jeffries de reprendre son rôle de Evil Ed, son personnage sera remanié et changé pour celui de Louis, rôle qui sera interprété par l'acteur John Grease. Le chorégraphe Russell Clark sera choisi, lui, pour incarner Belle, vampire muet à la sexualité ambiguë qui pratique le patin à roulettes. Clark avait de l'expérience aussi bien avec les patins à roulettes qu'avec les vampires, ayant collaboré à la chorégraphie et fait une apparition mémorable dans la comédie musicale de 1980 Xanadu et ayant chorégraphié le drame fantastique de 1986 Vamp, qui mettait alors en vedette la chanteuse Grace Jones. Clark créera ses propres mouvements pour le meurtre stylisé en patin à roulettes ainsi que pour les danses de transformation hypnotique du personnage de Régine. Pour cette séquence de danse, Clark et l'actrice Julie Carmen auront des répétitions rigoureuses de 8 heures par jour. Alors que le jeune acteur Brian Thompson obtiendra le rôle de Bosworth, ce sera l'acteur Merritt Buttrick qui décrochera le rôle de Richie. Cependant, juste après avoir obtenu le rôle tant convoité, Buttrick apprendra qu'il était atteint du sida, ce qui, à l'époque, était considéré comme une condamnation à mort. L'acteur décidera de tourner le film avant de mourir et parlera ouvertement de sa santé à l'équipe car on ignorait presque tout du mode de transmission de la maladie à cette époque. De grandes précautions furent prises pour éviter que les crocs de vampires ne le blessent et ne le fassent saigner sur le plateau de tournage. L'acteur décédera finalement le 17 mars 1989 à l'âge de 29 ans des suites de complications dues à cette maladie. Au niveau technique, ce sera le directeur de la photographie, Mark Irwin, qui acceptera de travailler sur le film uniquement parce que ce dernier allait être tourné en format anamorphique 2.35, quelque chose qu'il n'avait jamais eu la chance de faire jusqu'à ce moment dans sa carrière, ce dernier ayant principalement travaillé sur les films du réalisateur canadien David Cronenberg, soit The Brood, Videodrome, Scanners, Fast Company et The Fly, toutes ces réalisations étant alors filmées en format 1.85. Juste avant le début du tournage, les producteurs Herb Jaffe et Mort Engelberg vendront les droits de distribution en salle au studio TriStar Columbia et les droits télévisuels aux postes de télévision américains CBS et Fox. Alors que le tournage principal de 45 jours était prévu pour août 1987, ce dernier sera finalement reporté au 8 octobre à Los Angeles, en Californie. Fright Night 2 sera tourné dans divers lieux de Los Angeles, notamment au UCLA, le California State University et le Musée d'histoire naturelle. La production a également utilisé d'autres endroits à Long Beach et à San Francisco pour les plans d'ensemble. Mais le plus gros du tournage se fera aux appartements Trianon sur North Serrano Avenue à Los Angeles. Afin d'apporter son soutien à la production, l'acteur Chris Sarandon visitera le plateau pendant le tournage. Ce sera le concepteur des effets spéciaux et des maquillages Greg Canham et son équipe de la compagnie Canham Creations qui seront embauchés pour réaliser les différents effets pratiques du long-métrage. Canham était connu pour son travail sur les deux premiers films de la franchise Terminator, The Lost Boys et également le Dracula du réalisateur américain Francis Ford Coppola. La société Fantasy 2 sera également engagée afin de créer divers effets pour le film, notamment les monstres vampires, les miniatures, ainsi que la séquence où un loup-garou chute d'un échafaudage. Pour l'actrice Julie Carmen, cette dernière n'avait jamais porté de prothèse ou de maquillage majeur dans sa carrière, ce qui s'avéra une terrible expérience pour elle, la jeune femme ayant une crise de panique lors de la réalisation d'un masque de sa tête pendant que le plâtre durcissait. Après avoir fondu en larmes suite à l'expérience, Carmen apprendra qu'il y avait eu un problème avec le moule et qu'elle se devait de recommencer l'expérience. Quant à la séquence de la mort du personnage de Buzz, l'acteur Brian Thompson portera un appareil sur son ventre rempli d'insectes vivants et devra rester courbé afin de les contenir. Pendant les prises, les mouvements des insectes provoqueront des spasmes incontrôlables de ses muscles abdominaux, le comédien réussissant tout de même à tourner la dite séquence. Ce sera Thompson qui suggérera que son personnage récite le nom de chaque genre et espèce d'insecte avant de dévorer ces derniers. Suite à la conclusion du tournage, Julie Carmen conservera de nombreux vêtements qu'elle porta durant ses multiples séquences, costumes qui resteront alors dans son placard pendant plusieurs décennies. Durant le montage, ce sera Bob Burgeon qui enregistrera les rugissements et autres sons des vampires, mais ce dernier s'abîmera les cordes vocales en filmant certains cris de mort, se devant par la suite de ménager sa voix pendant plusieurs semaines. Au niveau de la trame sonore du film, ce sera de nouveau le compositeur Brad Fiedel qui sera embauché pour la réalisation de la musique. Si la partition instrumentale de Fiedel est omniprésente dans le film, la bande originale, qui n'a jamais été distribuée sur le marché, comprend également des morceaux d'autres artistes et une version chantée de Come to Me, interprétée par la chanteuse Deborah Holland pour le générique de fin. Pour la chanson You Could Look It Up de l'artiste T-Bone Burnett, celle-ci figure sur son album de 1987, The Talking Animals. Pour les chansons The Midnight Hour de William Pickett et Louie Louie de Richard Berry, celle-ci se retrouve sur d'innombrables compilations. Quant à la chanson Dressed in Red de Leslie Lewis, celle-ci sera envoyée à un fan par le compositeur lui-même et a rapidement fuité sur Internet, cette version étant de mauvaise qualité. Finalement, à ce jour, la chanson Marvel Age de l'artiste Ross Livingston n'a jamais fait son apparition officiellement sur le marché. D'une durée de 103 minutes, Fright Night Part 2 sera diffusé en salle le 8 décembre en Australie par les studios TriStar Pictures, le film ayant un très faible rendement au box-office, rapportant seulement 102 380 $ lors de sa première semaine d'exploitation. Au niveau nord-américain, Le drame fantastique aura une distribution très limitée le 19 mai 1989, étant alors distribué par la compagnie New Century Vista. Le film ne sera projeté que sur 148 écrans et ne rapportera qu'un maigre 548 231 $ lors de son premier week-end d'exploitation. À la fin de son parcours dans les salles du cinéma, le long-métrage n'amassera qu'un faible 2,9 millions de $ aux États-Unis. Durant l'après-midi du 20 août 1989, le réalisateur Tommy Lee Wallace et l'acteur Roddy McDowall déjeuneront avec le président de la compagnie de distribution New Century Vista, soit José Menendez, afin de discuter de la stratégie marketing et d'un possible Fright Night 3. Cette même nuit, Menendez et sa femme seront assassinés par leurs deux fils, Lyle et Eric Menendez. Le meurtre de Menendez fera la une des journaux du monde entier et plongera la société New Century Vista dans une crise profonde. Fright Night 2 sera donc rapidement retiré des salles de cinéma et sera alors distribué directement en vidéo par la filiale de la société mère, soit IVE Entertainment, filiale qui deviendra plus tard Live Entertainment, puis finalement la compagnie Lionsgate. Ce sera sur ce marché que le film acquérera un important public de fans. Suite à l'assassinat de Menendez, les droits de distribution vidéo du film seront laissés en suspens durant plusieurs années en raison de la restructuration précipitée de la compagnie New Century Vista. L'actrice Julie Carmen obtiendra une nomination comme meilleure actrice dans un drame fantastique au Saturn Award de 1990, le prix étant alors remporté par l'actrice Demi Moore pour le film Ghost. Au niveau adaptation littéraire des deux films de Fright Night, Tor Books publiera en 1985 une novélisation écrite par Craig Spector et John Skip, les deux hommes n'ayant qu'un seul mois pour écrire le livre, afin que ce dernier paraisse en même temps que le film. Il n'y aura aucune adaptation littéraire pour Fright Night 2. Cependant, la compagnie Now Comics produira un graphic novel qui sera réalisé par l'écrivain Matthew G. Costello et l'artiste Lennon Delsol. Cette même entreprise sera également responsable d'une série de comic books intitulée Fright Night qui sera publiée de 1988 jusqu'en 1993. Les deux premiers numéros de la série serviront d'adaptation du premier film et suivront par la suite les aventures de Peter Venson et Charlie Brewster, faisant alors équipe pour éliminer une vaste armada de vampires et autres monstres divers. La série sera momentanément arrêtée au numéro 22 en 1990 suite à la faillite de la compagnie Now Comics. Suite à une restructuration de l'entreprise, quatre numéros spéciaux en 3D seront publiés entre 1992 et 1993. Du côté jeu vidéo, seul Fright Night aura une adaptation dans ce médium, un jeu de type arcade ayant été réalisé par la compagnie Microdeal en 1988 pour les ordinateurs Amiga. Une adaptation théâtrale de Fright Night sera présentée en première mondiale au Carnegie State de Pittsburgh, en Pennsylvanie, le 5 octobre 2018. Écrite et mise en scène par James Michael Schobert, elle sera produite par la compagnie Rage of the Stage Players. La distribution originale comprenait Dan Finkel, Elena Cristina Lazzaro, Greg Crawford, Ryan Ott, Brian Siponis, Amanda Ann Lee, Corey Schaefer, Dave Joseph, Ryan Frank et Edward Bates. Une lecture en live streaming fut réalisée en 2025 avec la participation de nombreux membres de la distribution originale ainsi que des nouveaux venus. En janvier 2017, le réalisateur Tom Holland annoncera qu'il écrirait un roman intitulé Fright Night 3, précisant qu'il obtiendrait les droits de la franchise d'ici 2019. Durant cette annonce, il annoncera également son intention de développer un troisième film à la franchise originale. Puis, en 2018, Holland annoncera une nouvelle série de comic books intitulée Tom Holland's Fright Night, The Peter Venson Chronicle, celle-ci n'obtenant qu'un seul numéro. Suite à cette annulation, une nouvelle série en 5 numéros intitulée Tom Holland's Fright Night sera réalisée, faisant suite au film original de 1985. Puis, en octobre 2020, le réalisateur Tom Holland annoncera qu'il écrivait une suite directe du premier Fright Night, provisoirement intitulée Fright Night Resurrection. Ignorant le film de 1988, Holland cherchera à prendre une entente avec une compagnie de production afin de financer et distribuer son projet qui était encore en développement au moment de la réalisation de cette émission. Fright Night Origins sera une nouvelle novelisation écrite par Tom Holland et Jack Ulrich. Paru le 6 septembre 2022, ce roman, publié par la maison d'édition Encyclopocalypse Publication, fut le premier tome d'une trilogie qui servira en quelque sorte de prequel de l'univers de Fright Night. Le second tome, Fright Night Hellbound, qui sera écrit par Michael Harbron et Tom Holland, sera mis sur le marché en octobre 2025 et suivra les aventures de Jerry Dandridge dans les années 70 à New York. Finalement, en 2025, American Mythology publiera une histoire courte intitulée Tom Holland's Fright Night Evil Ed Rising, centrée sur le personnage très apprécié de Evil Ed. En 2016, un long documentaire verra le jour. Réalisé par Chris Griffith et produit par Gary Smart, ce programme, intitulé « You're So Cool, Brewster, The Story of Fright Night », couvrira la production de toute la franchise. Ce projet fut entièrement soutenu par le réalisateur Tom Holland. Mais, 40 ans après la création du film original, plusieurs membres de l'équipe de production nous ont quittés. Ce sera le cas du producteur Herb Jaffe, qui décédera des suites d'un cancer le 7 décembre 1991 à Beverly Hills, en Californie, à l'âge de 70 ans. Quant au producteur américain Mort Engelberg, celui-ci décédera le 9 décembre 2023 à l'hôpital de Los Angeles des suites d'un cancer des poumons. Il était âgé de 86 ans. L'acteur Arthur James Evans, qui interprétait le personnage du détective Lennox dans le film original, décédera le 21 décembre 2024 à l'âge de 82 ans des suites de complications dues à son diabète. Et finalement, Roderick Andrew Anthony Jude McDowell décédera à sa résidence de Studio City en Californie des suites d'un cancer du poumon. Il avait 70 ans. Son corps fut incinéré et ses cendres dispersées dans l'océan Pacifique le 7 octobre 1998 au large du comté de Los Angeles. Tom Holland et McDowell avaient construit une amitié durable et McDowell avait finalement invité Holland à un dîner où il le présenta à Vincent Price, qui fut très flatté que le rôle de Peter Vincent soit un hommage fait à sa personne, Price étant également honoré de la prestation de McDowell dans le film. Du côté des points forts, eh bien, au niveau de la distribution, Sarandon et McDowell sont tout simplement délicieux dans leurs rôles respectifs et dominent tout de même largement une excellente distribution. Transposant les éléments habituels du mythe du vampire, le réalisateur mélange d'une main de maître l'aspect horreur et humour noir. La musique de Fiddle est charmante ici et soutient admirablement le long métrage, devenant une pièce très importante du succès du drame fantastique. Pour un homme qui en est à ses premières armes au niveau réalisation, Holland nous démontre une confiance et une maturité exemplaires et sait exactement comment alterner rire et frisson chez le spectateur. Le scénario est ingénieux et sait rapidement placer les règles de son univers et l'action afin d'éviter que le spectateur ne s'ennuie, le film n'ayant aucun moment ennuyeux, le tout bien orchestré entre les scènes morbides et stressantes, la musique hypnotisante et surtout le côté humain de tous ces personnages. Au niveau des effets pratiques, certains sont tout simplement efficaces. Mais du côté des points faibles, et malheureusement, bien que certains des effets spéciaux soient efficaces, d'autres, eux, ont très mal vieilli et paraissent mal aujourd'hui. Au niveau de la distribution, William Ragsdale est inégal, crédible par moments, mais faible à d'autres. D'ailleurs, le jeu des comédiens est par moments quelque peu trop théâtral, quelque chose que l'on va surtout voir du côté de l'acteur Roddy McDowell. La transformation d'Amy de jeune adolescente en femme fatale dans la discothèque est un moment quelque peu ridicule. La scène aurait pu être mieux si Amy avait été une vampire, et donc à ce moment-là, la séquence serait devenue beaucoup plus crédible. Quant à Evil Ed, ce dernier se transforme beaucoup trop rapidement en vampire. Cela semble être plus long pour Amy, et ce, sans explication logique. Finalement, le visage transformé de Amy en vampire est quelque peu loufoque, mais la qualité du maquillage est tout de même là, ce qui aide à la séquence. Pour Fright Night Part 2, eh bien, du côté des points forts, le scénario du long-métrage ne perd pas son temps à faire avancer son histoire et met rapidement cette dernière en place. Tout comme le premier volet, il mélange humour noir et effets terrifiants de très bonne façon. De plus, l'aspect sensualité et romantisme est beaucoup plus présent ici, notamment dû au fait que le vilain du film est de sexe féminin. Également, les mignons de Régine sont beaucoup plus intéressants ici que ceux du premier long-métrage. Au niveau de la distribution, William Ragsdale offre une interprétation beaucoup plus stable et intéressante ici que dans Fright Night, alors que McDowell est toujours aussi excellent et que l'actrice Julie Carmen est parfaite dans le rôle de la sœur de Dandridge, cette dernière, ressemblant beaucoup à l'acteur Chris Sarandon. Certains trucages impressionnent pour l'époque où le film fut réalisé et surtout en rapport avec le budget qui lui fut alloué. Malheureusement, tout comme son prédécesseur, certains ont juste mal vieilli et sont quelque peu risibles. Du côté des points faibles, eh bien, cependant, ce deuxième épisode ne fait que répéter la formule ici, sans grands efforts d'invention particulière ou grande surprise, nous présentant ici quelques jumpscares faciles et prévisibles. De plus, l'humour est beaucoup plus présent ici, ce qui donne de la difficulté à l'auditoire de croire qu'il est possible que le mal l'emporte au final, car l'on ne s'inquiète pas vraiment pour nos héros. Au niveau de l'histoire, Régine trouve beaucoup trop facilement nos héros, sans que soit vraiment expliquée la façon dont elle avait appris leur identité. Malgré un scénario dynamique, la mise en scène manque un peu de rythme et la musique n'a pas la qualité hypnotisante du premier volet. Certains maquillages paraissent trop ici, on peut sentir les limitations du budget de la production. Bien que l'actrice Tracy Lynn s'en sort beaucoup mieux au niveau de son interprétation de la petite amie de Charlie face à Amanda Bears, il est quand même tout simplement ridicule de voir cette dernière aller se battre contre des créatures maléfiques de la nuit avec son sac à main qu'elle va traîner avec elle tout au long du long métrage. Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. It's intermission, rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now. Hello, I'm Vincent Price. For many years now, mankind and his offspring have been searching for an alternative to peanut butter and jelly. After employing the latest methods in technology, the Peter Paul Candy Company has found the alternative to peanut butter and jelly. Peanut butter with no jelly. Pure, creamy peanut butter dotted with Krispies, covered with pure milk chocolate. But no jelly. I'm sure you're as pleased as I am. Oh, my God. Hello, everyone. My name is Jerry Dandridge, and I'm a visiting professor. Hey, check this out! Inspector, it's about the missing person. I know it's gonna sound crazy. It was a vampire. What if I told you we got a real-life vampire problem? Hey, Professor. Fancy meeting you here. I'm so glad you could come. Welcome to Fright Night for real. Look out! Now, just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon. And now, on with the show. Rated X. Bonjour, Madame Brewster. Bonjour, les filles. T'as fait un sacrifice au Dieu Tout-Puissant? Mais comment t'as fait pour l'avoir, elle? Ah, Jerry, je vous présente mon fils Charlie. Jerry est notre nouveau voisin. Salut. Salut. Je suis désolée d'avoir à te dire ça, mais ce type-là, ton voisin... Jerry. Depuis qu'il a emménagé, des gens disparaissent. Eh ben, c'est un vampire. Ouais, mais moi, je crois que t'as trop lu, toi, Elias. Non. Là, c'est du réel. Il tue, il dévore, et il s'arrête pas tant que tout le monde est pas mort. Salut, gars. T'as un sacré fardeau à porter pour un ado. Ta mère est ta nana. C'est à toi de prendre soin d'elle. Tu te sens d'attaque, gars? Monsieur Vincent, j'ai besoin de votre compétence. Tu veux savoir comment tuer un vampire? Sans bec. Va vous falloir une armée. T'as eu les yeux plus gros que le ventre. Oh, Seigneur. Je vais le tuer, ou c'est lui qui va me tuer. Tu crois qu'il est mort? Allons casser du vampire. Apparemment, il peut pas entrer sans invitation. Plus de maison, plus besoin d'invitation. Fright Night, ou Vampire, vous avez dit vampire, est un drame fantastique qui a été distribué par les studios DreamWorks Pictures le 19 août 2011. Ce film américain d'une durée de 106 minutes a coûté 30 millions de dollars à produire et a amassé plus de 41 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène australien Craig Gillespie, lui qui avait réalisé les films Mr. Woodcock, I, Tonya et Cruella. Au poste de producteur, on y retrouve le producteur britannique Michael De Luca, lui qui avait produit les films Ghost Rider, Moneyball et The Social Network, ainsi que Alison Rosenweig, cette productrice américaine qui avait produit les films Wind Talkers, Jacob's Ladder, la version de 2019, et Transit. Au poste de scénarisation, on y retrouve la scénariste américaine Martha Mills Noxon, elle qui avait écrit les scénarios de To the Bone, I Am Number 4 et The Glass Castle. Dans la distribution, on y retrouve Anton Yelchin, Colin Farrell, Christopher Mintz-Plasse, David Tennant, Imogen Poots, Tony Collette, Dave Franco, Emily Montag, Will Denton, Reed Ewig, Lisa Loeb, Brian Husky et Grace Phipps. Lorsque son camarade de classe disparaît, un jeune étudiant découvre que son nouveau voisin est un vampire et que ce dernier serait responsable de plusieurs autres disparitions survenues dans son quartier. Il fait alors appel à un spécialiste des sciences occultes pour lui venir en aide et ainsi se débarrasser de la menace maléfique. Vers la fin des années 1980, le réalisateur, directeur de la photographie et distributeur de films indiens, P. Chandrakumar, sera connu surtout pour avoir introduit la culture du soft porn dans le cinéma malayalam. En 1989, celui-ci réalisera un film intitulé Amavase Iravil, un remake du film de 1985 du réalisateur Tom Holland, Fright Night. L'intrigue suivait quasiment plan par plan le film américain, à part le fait que le personnage de Peter Venson était dans cette nouvelle version un prêtre et qu'il y aura quelques ajouts à l'histoire originale, dont une séquence musicale bollywoodienne inattendue. Les dialogues de cette nouvelle version étaient principalement en tamoul, bien que certains personnages s'exprimaient parfois en anglais, principalement le sbire du vampire. Portant le titre anglais « Kalpana House », ce remake non autorisé du film américain mettait en vedette Kapil Dev, Divya Abhilasha, Shafiq, Jagati Srikumar et Kamal Hassan. Ce drame fantastique d'une durée de 112 minutes devait à l'origine sortir en salle en 1988, mais verra sa sortie reportée l'année suivante, le long métrage n'étant diffusé qu'en Inde par les studios de distribution Sri Janani Enterprises. Aujourd'hui, ce film n'est disponible que sur YouTube et sur divers sites de torrents, les bobines originales ayant totalement disparu. Durant l'année 2009, des exécutifs de la compagnie DreamWorks Productions décideront qu'il serait peut-être temps de refaire une nouvelle version du classique de 1985. Voulant profiter de la nouvelle mode des vampires romantiques provenant de la franchise Twilight et de la série télé True Blood, ce sera alors le producteur britannique Michael De Luca qui sera approché pour produire cette nouvelle version. Ce sera la scénariste Martha Mills-Noxon qui sera approchée pour écrire le scénario. Mieux connue sous le nom de Marty Noxon, la scénariste, réalisatrice et productrice était surtout connue pour son travail sur la série télé Buffy the Vampire Slayer de 1997 à 2003, ainsi que Angel entre 2000 et 2004. Ayant adoré le film de 1985, la femme de 48 ans acceptera sans grande résistance l'offre de De Luca. Une fois le scénario complété, celui-ci sera envoyé au réalisateur Craig Gillespie. Ce dernier travaillant, à ce moment, sur quelques projets plus modestes et indépendants qu'il essayait désespérément de développer. N'ayant pas vraiment envie de faire un film de vampire, le réalisateur de 42 ans sera tout de même charmé par le mélange d'horreur et d'humour du script et acceptera alors de travailler sur le projet, retravaillant quelque peu le scénario avec Noxon, cette dernière étant très impliquée lors de la production. En avril 2010, ce sera le jeune acteur Anton Yelchin qui sera le premier à être embauché pour la distribution, ce dernier obtenant le rôle de Charlie Brewster. Le mois d'après, Colin Farrell, David Tennant et Toni Collette s'ajouteront à la distribution et une date de sortie sera annoncée aux États-Unis pour le 19 août 2011. Le nouveau film marquera les débuts sur le grand écran de l'actrice Gracie Gillam, alors que l'auteur-compositeur-interprète Lisa Loeb obtiendra le rôle de la mère de Evil Ed, ce dernier étant alors interprété par Christopher Mintz-Plasse. Alors Kimogen Poots obtiendra le rôle d'Amy, l'acteur Chris Sarandon, qui interprétait l'antagoniste du film original, se verra proposer un petit rôle dans le remake et acceptera de passer le flambeau à l'acteur Colin Farrell, Sarandon, jouant le rôle d'un homme dévoré par Jerry Dandridge devant Brewster et sa famille. Avec un budget de plus de 30 millions de dollars, le tournage principal débutera le 26 juillet 2010 à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, une banlieue au nord-ouest d'Albuquerque. D'autres séquences seront tournées au Centre culturel hispanique National d'Albuquerque et au Hard Rock Casino d'Isleta, au Nouveau-Mexique. Le tournage se terminera le 1er octobre 2010 au Nevada. Ce sera Xavier Acuirasarob qui sera embauché à titre de directeur de la photographie, le technicien ayant précédemment travaillé sur des films tels que The Others, Goya's Ghost, The Road, ainsi que le deuxième et troisième film de la franchise Twilight. Alors que DreamWorks Pictures s'occupera du financement, ce seront les studios Walt Disney Studio Motion Pictures à travers la maison de distribution Touchstone Pictures qui s'occuperont de la distribution mondiale du nouveau drame fantastique. Le réalisateur et producteur Steven Spielberg contribuera largement à la réalisation du long-métrage, notamment en créant des storyboards et en participant au montage. Il apportera également deux contributions majeures au niveau de la réalisation du film, soit un plan inséré montrant le crucifix tombant dans la piscine juste devant la caméra, ainsi que le maquillage de la transformation finale de Jerry Dandridge, Spielberg la jugeant lors du prévisionnement des séquences tournées peu effrayante et insistant pour une mâchoire plus volumineuse du vampire. Lors de cette même séquence, un léger accident surviendra lors du tournage lorsque Farrell, un peu trop enthousiaste, percera accidentellement le cou de la doublure de l'acteur Christopher Mintz-Plasse avec ses fausses dents. Cette nouvelle version de Fright Night sera tournée et présentée en 3D, ce qui apportera quelques défis pour le réalisateur. Avec une caméra pesant plus de 90 livres, il était difficile de faire bouger cette dernière, ce qui forcera le metteur en scène à revenir à un style de réalisation digne des années 1940. Pour la séquence de la poursuite automobile, l'équipe technique dut découper la camionnette en 8 morceaux et tous les sièges étaient placés contre les portières. Donc, au fur et à mesure que la caméra bougeait, les acteurs sortaient du champ de vision puis y revenaient. La voiture était devenue comme une sorte de Rubik's Cube géant, le décor étant ce qui bougeait alors que la caméra, elle, restait sur place. Pendant le tournage, l'acteur Colin Farrell s'inquiéta du caractère trop menaçant de son personnage et suggéra des modifications au scénario, ce que refusera le réalisateur et la scénariste. De plus, Farrell demanda un monologue en latin, estimant qu'il serait logique pour son personnage de parler cet ancien langage. Il engagera alors une professeure pour lui apprendre le monologue nouvellement écrit par Noxon et étudiera la langue sur le plateau. Malheureusement pour lui, ce monologue sera coupé au montage final. Cependant, la professeure de latin fut tellement fascinée par Farrell et son travail d'apprentissage de la langue qu'elle écrivit un article universitaire relatant son expérience sur le plateau. Les effets spéciaux numériques seront réalisés par des équipes travaillant pour les compagnies Digital Domain, Luma Pictures et Shades VFX, alors que les effets pratiques, eux, seront réalisés par Howard Berger et Greg Nicotero de la compagnie KNB FX Group. Pour le maquillage de Jerry Dandridge, celui-ci sera un mix entre maquillage pratique et effet digital. Ce sera Tatiana Riegel qui s'occupera du montage du film, celle-ci ayant précédemment travaillé sur quelques longs-métrages, mais surtout pour la télévision. Le montage sera réalisé dans les locaux de Santa Monica. Le compositeur de musique Ramin Djawadi s'occupera de la partition musicale du long-métrage. Il utilisera alors une musique beaucoup plus orchestrale que l'électronique d'avant-garde composée par Fiddle en 1985. La musique, qui sera distribuée en CD via l'étiquette Varese Saraband, sera réalisée par le Hollywood Studio Symphony Orchestra, qui sera alors conduit, lors des enregistrements, par le chef d'orchestre Tim Davis. Après avoir eu un premier visionnement au Comic-Con de San Diego le 22 juillet 2011, Fright Night sortira en salle le 19 août 2011, mais n'obtiendra pas un grand succès, le drame fantastique ouvrant à sa première fin de semaine à la 6e position du box-office avec des recettes de seulement 7,7 millions de dollars. Au final, le film amassera un total de 18,3 millions de dollars en Amérique du Nord et 22,7 millions dans le reste du monde. Malgré cela, le drame fantastique amassera 2 prix au Taurus World Stunt Award, soit celui du Best Firework ainsi que celui du Best Fire Stunt. Le film amassera également le prix du Best Wide Release Film au Fangoria Chainsaw Award de 2012 ainsi que le prix du Best Horror Movie au IGN Best of 2011 Award. Pour l'acteur Colin Farrell, ce film aura une importance personnelle puisque ce sera sur cette production que sa mère rencontrera son deuxième mari, l'ami d'un producteur du film qu'elle avait alors rencontré sur le plateau lors du tournage. Malgré l'échec commercial du film de 2011, les exécutifs de la Touchstone donneront le feu vert à une suite qui était prévue pour être un film produit directement pour le format vidéo. Alison Rosenzweig sera de retour au poste de producteur, cette fois-ci aux côtés de Michael Gita. Rapidement, les dirigeants de la Gita Rosenzweig Films prendront rapidement la décision de ne pas faire une suite au film de 2011, mais plutôt d'aller chercher une autre direction et de réimaginer de nouveau le film original de 1985. Les producteurs auditionneront alors de nombreux réalisateurs potentiels et choisiront finalement le metteur en scène Eduardo Rodriguez, ce dernier provenant du Venezuela et ayant précédemment réalisé des films tels que Curandero, El Gringo et Stash House. Rodriguez sera engagé après avoir soumis une proposition afin de raconter les origines du vampire sous forme d'un segment animé. En effet, le jeune Rodriguez, fan mordu du film original, fera la conception de la séquence d'introduction de Dandridge de cette façon afin de réduire les coûts et surtout d'alléger le calendrier de tournage, ce film ayant un des plus petits budgets de production de la franchise jusqu'à présent. Par la suite, ce sera le scénariste Matt Venn qui sera embauché pour écrire le script du nouveau film. Il impressionnera alors les producteurs et le réalisateur en rédigeant une première version du scénario en moins d'une semaine. Le scénario subira par la suite plus de 2 mois de revision, au cours desquels Venn prendra en compte les suggestions du réalisateur et approfondira l'histoire de ses personnages. Avec un projet totalement différent de son prédécesseur et une histoire et des personnages inédits, cela donnera l'opportunité aux producteurs et aux réalisateurs de changer totalement la distribution. Le petit budget de production, qui était environ 1/10 du film de 2011, ne permettant pas d'obtenir les services des acteurs du film précédent. Ce sera donc l'actrice Jamie Murray, qui n'était pas une fan des films d'horreur et qui n'avait jamais vu les précédents opus, qui se verra remettre le scénario final. Après avoir lu 10 pages, la comédienne décidera d'écouter le film de 2011, puis relira le scénario et acceptera alors le rôle, comprenant alors l'importance du mélange d'humour et de violence dans le projet. Ce rôle sera une réimagination complète du personnage de Jerry Dandridge, ce dernier devenant une femme pour les besoins de cette production. Will Payne sera choisi pour le rôle de Charlie Brewster et fera le choix délibéré de ne pas calquer son interprétation sur celle des précédents interprètes de Brewster, soit William Ragsdale et Anton Yelchin. Sacha Parkinson obtiendra le rôle d'Amy Patterson, alors que Chris Waller deviendra le nouveau Evil Ed Bates et que ce sera Sean Power qui sera choisi pour le personnage de Peter Vincent. S'ajoutera à la distribution Alina Minzu, Constantine Barbulescu et Roxana Garlianu-Lupu. L'histoire de ce nouveau volet se situera au cours d'un voyage d'études en Roumanie où 3 adolescents américains auront maille à partir avec leur enseignante qui s'avère être une vampire. Yaron Levy sera engagé pour s'occuper de la cinématographie. Le tournage se déroulera sur une période de 23 jours en Roumanie, soit entre novembre et décembre 2012. Le film sera tourné à Budapest et certaines séquences seront également tournées au château de Corvin à Hunedoara. L'équipe de production sera confrontée à des problèmes de température durant le tournage, rencontrant alors des températures avoisinant fréquemment les moins 25. Les acteurs et techniciens étaient constamment frigorifiés, alors que les caméras ne cesseront de geler lors de la production. Et finalement, les actrices Sacha Parkinson et Jamie Murray avaient tellement froid lors de la séquence de la piscine que la production dut être interrompue à multiples reprises. De plus, il neigera sporadiquement pendant le tournage, ce qui causera divers problèmes durant la production, notamment pour assurer la continuité entre les plans. Pour l'explosion de la station-service, celle-ci dut être filmée en studio pour des raisons de sécurité d'incendie. À l'origine, l'équipe du film avait prévu de tourner sur place, mais les conditions météorologiques et des barrages routiers leur empêcheront de mettre le feu aux pompes. Un autre problème, dû à la température, surviendra durant le tournage de la séquence où Jerry saute de sa fenêtre avec un corps sur l'épaule, le froid étant si glacial que le harnais de sécurité causa des douleurs atroces à la cascadeuse lors du tournage de ses scènes. Pour la séquence où la jeune femme est vidée de son sang, le tournage dut être interrompu à plusieurs reprises car le faux sang coulait dans le nez et la bouche de l'actrice. D'autres problèmes d'effets spéciaux empêcheront également les cinéastes de tourner la scène de la mort filmée par la caméra de surveillance, et ce, en une seule prise, comme prévu initialement. Alors que Chris Waller et Sean Power ont réalisé leur propre cascade lors de la séquence du miroir brisé, le réalisateur Eduardo Rodriguez devait constamment rappeler à Waller, une fois ce dernier maquillé, qu'il n'était pas un vrai vampire, l'acteur devenant alors trop investi dans son rôle. Finalement, pour la séquence finale dans le château, bien que quelques séquences furent tournées à l'extérieur et à l'intérieur d'un vrai château, la scène de la mort de sang était un décor construit sans grands moyens, financé par une équipe roumaine. Une fois le tournage terminé, ce sera le monteur Don Adams qui s'occupera de finaliser le produit. La scène où les protagonistes descendent l'escalier et entrent dans la rame de métro devait initialement être présentée comme un seul plan séquence, mais la séquence doit être redécoupée au montage afin d'accélérer le rythme du film. Au niveau musical, ce sera le compositeur et producteur de films d'avant-garde latino-américain Luis Ascadio qui s'occupera de réaliser la partition musicale du film, ce dernier ayant déjà travaillé sur tous les films précédents de Rodriguez. Sa musique, qu'il a conçue pour ce film, n'a pas encore été distribuée en CD à ce jour. D'une durée de 101 minutes, Fright Night 2 sera distribué via la compagnie 20th Century Fox Home Entertainment en DVD, Blu-ray et HD numérique, soit le 1er octobre 2013, en version censurée et non censurée, la version non censurée comprenant plus de 31 secondes additionnelles et possédant plus de 5 scènes de violence et de nudité explicites de plus. Seulement 722 700 $ seront amassés en vente de DVD sur le continent nord-américain, alors que moins de 357 500 $ seront amassés du côté du Blu-ray Disc, mettant ainsi un terme à toute possibilité d'un troisième volet. De ces deux nouvelles productions, un seul décès aura touché ses équipes dans les années qui suivirent, soit celui de l'acteur Anton Yelchin. Après que l'acteur Yelchin ne se soit pas présenté à une répétition le 18 juin 2016, il fut retrouvé sans vie par des amis vers 1h10 du matin cette nuit-là. Le corps du jeune homme était alors coincé entre sa Jeep Grand Cherokee et un pilier de portail en briques devant sa maison à Studio City à Los Angeles. L'incident serait survenu alors que Yelchin sortait apparemment de sa voiture pour aller vérifier son portail fermé à clé et prendre son courrier. Le véhicule aura alors dévalé son allée en forte pente et l'aurait coincé contre le pilier et une clôture de sécurité. Le bureau du coroner du comté de Los Angeles identifiera la cause du décès comme étant une asphyxie traumatique contondante accidentelle. Du côté des points forts, eh bien, ce nouveau remake est une nouvelle version au goût du jour totalement différente du film original. Beaucoup plus sérieux et violent que celui de 1985, cette version de Fright Night demeure tout de même très intéressante et sait garder notre attention malgré quelques longueurs, surtout au début du long métrage. Au niveau des effets spéciaux, ceux-ci sont d'excellente qualité, tout comme la réalisation, qui est tout de même assez efficace. Au niveau de la distribution, Anton Yelchin est excellent en Charlie Brewster, tout comme Colin Farrell en Vampire, ce dernier étant beaucoup plus un prédateur aux instincts animaux que dans le film de 1985. Le générique de fin est intéressant et ce nouveau Fright Night est un excellent remake qui sait bien utiliser les bases de son original tout en apportant un nouveau concept qui permet aux fans du film de 1985 de rester surpris de l'histoire et surtout de ses rebondissements. Mais du côté des points faibles, eh bien, la magie musicale de Brad Fiedel n'est pas présente ici, ce qui nuit beaucoup au spectacle. Au niveau de la distribution, le personnage d'Evil est beaucoup moins intéressant ici, le personnage étant banalisé en un simple geek ordinaire avec un acteur qui ne se démarque guère dans le rôle. Du côté de David Tennant, son interprétation de Peter Venson est amusante, mais on s'ennuie tout de même énormément de la prestation de Roddy McDowall qui rendait le personnage si attachant. Finalement, il est triste de voir une actrice comme Toni Collette être si sous-utilisée ici. Le rythme du film est nettement plus lent ici que celui de 1985. De plus, malgré l'excellente interprétation de Farrell, il manque de substance au personnage de Dandridge. Finalement, il est triste de voir que l'on utilise la technique Whedon de Buffy the Vampire Slayer pour se débarrasser des vampires, ces derniers partant en fumée rapidement au lieu de se décomposer comme les deux films précédents, le numérique étant une porte beaucoup trop facile ici. Du côté de Fright Night numéro 2, eh bien du côté des points forts, la principale qualité de ce film est l'idée d'aller dans une toute autre direction que tous les autres films de cette franchise. On reprend les personnages du film de 1985 et on recommence totalement à zéro, faisant quelques clins d'œil à l'original, mais sans plus. Les effets spéciaux sont d'excellente qualité, surtout pour le budget alloué à cette production, et le réalisateur n'hésite pas ici à essayer de nouvelles choses au niveau technique, même si, quelquefois, celle-ci échoue malheureusement. Finalement, le concept animé des origines de Jerry Dandridge est bien fait ici, tout comme l'actrice Jamie Erica Murray, qui est tout simplement excellente dans son rôle. Mais du côté des points faibles, eh bien malheureusement, on avait une belle opportunité de créer un nouveau concept avec ce film, mais malheureusement, celle-ci a été mal exploitée. Le scénario est très faible ici, se permettant de prendre de grandes libertés pour faire avancer son histoire, mais malheureusement, plusieurs idées ne fonctionnent tout simplement pas et la logique ici ne fonctionne qu'à la discrétion du réalisateur qui, par moments, nous donne des règles et qui par la suite ne les respecte pas, tel le vampire qui peut par moments s'approcher de quelqu'un qui porte une croix et par d'autres, la créature est repoussée par cette même croix qu'il ne voit même pas. La réalisation manque de finesse ici, les acteurs semblant laissés à eux-mêmes par moments difficiles. De plus, le montage n'est pas à point. Certaines séquences de cascade auraient pu être plus impressionnantes si coupées plus serrées et surtout de façon plus rythmée. Les séquences où le vampire utilise son sonar pour trouver ses victimes est longue et pénible à regarder et l'humour noir tant reconnu à cette franchise nous manque terriblement ici. Alors que la distribution est ordinaire, le personnage de Peter Venson est totalement inutile ici. Encore une fois, l'acteur Roddy McDowall et son charme nous manquent grandement dans cette histoire. Finalement, la magie musicale est totalement absente de ce film et la conclusion de celle-ci est d'un ridicule, encore une fois, le réalisateur nous montrant des règles puis les défaisant rapidement pour permettre à son histoire d'avoir une heureuse conclusion. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Fright Night version 1985 4. J'y vais également avec une cote 4. Du côté de l'âge et du contenu, Fright Night a été coté par la régie du cinéma 13 ans indicatif. J'y vais également avec un 14 ans pour des scènes de violence, un langage vulgaire et quelques scènes de nudité. Du côté de Fright Night 2 version 1988, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec une cote 5. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence et un langage vulgaire. Du côté de Fright Night, version 2011, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. Moi, j'y vais avec une cote 4. Je comprends que l'introduction du film est un peu plus lente que le film original, mais n'empêche qu'il y a quand même un bon développement du film. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence et des séquences de nudité. Du côté de Fright Night, partie 2, version 2013, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. Moi, j'y vais avec une cote 6, avec une conclusion qui va de tout bord, tout côté. On décide d'avoir un good ending, alors que techniquement, on ne peut pas. La réaction de Charlie Brewster, qui à ce moment est devenu un vampire, mais qui ne semble pas sous le contrôle de Jerry Dandridge, je trouve ça un petit peu poussé par les cheveux. Donc, c'est la raison pour laquelle j'y vais avec une cote 6. Au niveau de la régie du cinéma, on cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence, un langage vulgaire et de la nudité. Au niveau des disponibilités des DVD et des Blu-ray, eh bien, Fright Night, la version de 1985, est disponible en DVD ainsi qu'en Blu-ray, en français et en anglais. Du côté de Fright Night 2, version 1988, le film est également disponible en français et en anglais, en DVD ainsi qu'en Blu-ray. Pour le DVD de Fright Night Remake version 2011, le film est disponible présentement en français et en anglais, en DVD ainsi qu'en Blu-ray, sans oublier un format Blu-ray 3D qui est également disponible en version anglaise seulement sur le marché. Quant à Fright Night 2, eh bien, le film est disponible en version anglaise seulement, en DVD ainsi qu'en Blu-ray. Coming soon to a theater near you. Crime. The city was full of it. Hey! Free TV! Desperate measures were needed.